Le jour se lève, l'écran s'allume. Yeah. Les premiers viewers, la magie s'allume. Ride et skill s'installent, prêt à partager des moments vrais, un livre à savourer. Yeah. J'ouvre le chat, un sourire aux lèvres. Le café chaud, la vibe s'achève. Chaque message, une histoire à compter. Dans ce live, on est tous connectés. Pas besoin de bling, juste de la sincérité. La musique pulse, la communauté est éveillée. Les heures passent, le plaisir grandit. Chaque stream est un bout de vie. Matinée en live, douce mélodie. Core à de skill guide, c'est notre folie. Le son est posé, les mots s'enchaînent. Une famille soudée, rien ne freine. Ensemble on rit, on partage. Twitch est notre plus beau voyage. Beau voyage. Beau voyage. Beau voyage. Les trolls s'égarent, les amis restent, le chat s'anime, la joie manifeste. Un flow simple, une énergie claire. Dans ce monde virtuel, on est solidaire. Le son est là, il nous rassemble. Chaque note est un lien qui tremble. Ride skill au micro, la voix du live. Chaque stream est un moment qui rit. Matinée en live, douce mélodie. Core ride skill guide, c'est notre folie. Le son est posé, les mots s'enchaînent. Une famille soudée, rien ne freine. Ensemble on rit, on partage. Twitch est notre plus beau voyage. S'étire, la nuit s'efface, mais le live reste une douce trace. Les viewers fidèles, les sourires sincères. Chaque instant ensemble est une lumière. On crée, on vit, on avance fort. Rider skill et sa team, un vrai décor. Un moment suspendu, un souffle partagé. Dans ce live, rien n'est figé. Une pause, un souffle, un regard échangé. Le live respire l'énergie chargée. Demain sera là, on reprendra. Avec Ride et Skill, toujours au top du combat. Matinée en live, douce mélodie. Go Ride et Skill guide, c'est notre folie. Le son est posé, les mots s'enchaînent. Une famille soudée, rien ne freine. Ensemble on rit, on partage. Twitch est notre plus beau voyage. Skill. Bas du matin.